Chapitre 9. 12 cadavres retrouvés. Pas de nouvelles de Lautrec, demanda le directeur de la police judiciaire. Aucune, chef, répondit l'inspecteur Duré. Il nous avait promis d'être ici, au plus tard, à 10 heures. Il est près de minuit. En effet, chef, Lautrec est toujours de parole. Quelque incident imprévu est survenu, sans doute. Prenez 3 hommes avec vous et allez à sa recherche. Vous savez où ? Avenue Victor Hugo, chez le comte de Riva. Oui, et surtout de la discrétion et de la prudence. 20 minutes plus tard, Duré et ses 3 auxiliaires descendaient d'une auto, avenue Victor Hugo. Ils sonnèrent à 3 reprises à la porte de l'hôtel. Aucune réponse. Forcez la serrure, ordonna l'inspecteur. Un instant après, les policiers étaient dans la place. Ils traversèrent les chambres du rez-de-chaussée, personne. Ils visitèrent les étages, personne. L'hôtel était vide. Aucun meuble n'avait été enlevé, pas un objet ne semblait avoir été changé de place. Mais les propriétaires et tout le personnel avaient disparu. Comme ils descendaient au rez-de-chaussée, les policiers entendirent un bruit sourd suivi d'une plainte. Ils avaient oublié de visiter un boudoir. Ils ouvrirent la porte et trouvèrent Lautrec étendu sur le parquet. « Vite, un médecin !» ordonna Duré. Le détective s'était soulevé. « La blessure n'est pas grave, dit-il, mais elle paralyse mes mouvements. J'avais devant moi un rude tireur. La balle a atteint le doigt qui pressait la détente de mon revolver et s'est logée dans mon côté droit. Mon adversaire avait dès lors sur moi un trop grand avantage. Je me laissais tomber sur le parquet pour qu'il me crût blessé à mort. Cette tactique me permettait de prendre le temps de changer mon arme de main, mais on m'a enfermé. J'ai voulu agir, mais je vous le disais, ma blessure paralysait mes mouvements. J'ai arrêté, jusqu'à présent, comme j'ai pu, les penchements du sang. » La blessure de Lautrec, en effet, n'était pas grave. Quelques jours après, le détective était sur pied. Mais il n'avait pas attendu ce moment pour agir. Des perquisitions avaient été faites dans l'hôtel de l'avenue Victor Hugo. Aucune pièce compromettante n'avait été trouvée dans l'habitation et les policiers désespérés de découvrir le moindre indice lorsque les regards de l'un d'eux furent attirés dans le jardin par une proéminence du sol où la terre avait été fraîchement remuée. On fit aussitôt des fouilles et l'on découvrit un cadavre en pleine décomposition. Les recherches furent poussées plus loin et l'on exhuma 11 autres cadavres. 12 morts. Quelles étaient ces victimes ? Les malheureuses étaient défigurées, les poches de leurs vêtements étaient vides. Pas le moindre indice ne permettait de les identifier. Seul un cadavre offrait des signes distinctifs. Les autres étaient en complet état de putréfaction. 3 d'entre eux n'étaient plus que des squelettes. Quels effroyables mystères cachait donc cet étrange hôtel ? Quels rapports existaient entre le comte de Riva et feu le macabre antidérapant dont le cadavre restait introuvable ?